Cours numéro 12. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى سابعا لا سيتيم كوز pour augmenter sa foi ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين فإن الدين الإسلامي كله محاسن. Parmi les causes pour que notre foi elle augmente, connaître mahasin hadaddin, et connaître notre din, et connaître les bienfaits, les mérites de notre din. Si tu connais ton din, ta religion, tu connais ta foi, ou hakada tu connais al mahasin, il va en citer quelques-uns, rahimahullah, al mahasin c'est les mérites de ce din. La shakana, ça va augmenter ta foi. قال فإن الدين الإسلامي كله محاسن عقائده الصح العقائد وأصدقها وأنفعها. Notre din, notre religion, c'est que des محاسن, que des choses profitables, que ça soit niveau croyance bien sûr. Alhamdulillah, نعتقد, on a la croyance أن الله سبحانه وتعالى c'est notre créateur et on adore le créateur. بعض الناس يعتقدون في أموات et بعضهم للأسف ils se prétendent مؤمنين موحدين et leur عقيدة c'est par rapport à des morts. وبعضهم ils ont une عقيدة qui les pousse à adorer des animaux. وبعضهم ils adorent الشيطان. بعضهم ils pensent que هكذا ils ont été créés sans aucun but et il n'y a pas de créateur. هؤلاء مثل المجانين. فأنت احمد الله. Tu as هذه العقيدة الطيبة الصحيحة. لكن pour reconnaître les mérites de cette عقيدة, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut faire des efforts. Il faut faire des sacrifices. Il faut donner de son temps. قال وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها. Bien sûr, les comportements de notre din, c'est les meilleurs comportements. On doit s'écarter de l'injustice. On ne doit pas mentir. On ne doit pas médire. On doit respecter nos parents. Ne pas rompre les liens de parenté. Respecter notre voisin. كذلك الحث على النظافة, niveau propreté, niveau purification. Kadalik, on doit tenir nos engagements. N'importe quel comportement de l'islam, al-aqil, il ne peut pas prétendre. On n'a pas dit al-mu'min, même al-aqil, le doué de raison, il ne peut pas prétendre que c'est un mauvais comportement, sauf s'il ment, ou s'il a perdu la raison. Il a akhlaq, des comportements clairs, des comportements à l'unanimité que c'est des bons comportements. Qala وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. كذلك العبادات الأحكام c'est أحسن الأحكام. Même si certains pensent que c'est de l'injustice, si Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de couper la main au voleur, de lapider le fornicateur s'il a déjà connu le mariage, ou de le fouetter s'il n'a jamais connu le mariage, وهكذا, toutes les sentences qui sont citées dans le Coran, الكريم سمن أحسن الأحكام إساعدلها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. C'est une cause pour préserver l'honneur des gens, le sang et les biens. لكن أكثر الناس لا يعلمون. بعضهم combattent l'islam بعناد, même si tu leur expliques et ils ne peuvent pas rejeter que c'est la justice. لكن العناد. فحذر أخي الكريم de ne pas faire du mal à ta foi. Belle, ça peut atteindre le niveau de l'annuler, iyadam billah, en rejetant ahkamullah. Al-mu'min, ce genre de ahkam, matalan, couper la main du voleur, etc., ça doit lui faire monter la foi. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné qu'on coupe la main d'un innocent? Afadan. Celui qui ne vole pas, même le vol, c'est pas n'importe quel vol, c'est une certaine somme, une certaine valeur. Donc celui qui ne vole pas, personne ne lui coupera la main. Kadalik, ce voleur, s'il se fait couper la main, est-ce que c'est pour son mal là? C'est pour son bien à lui et pour le bien de toute la communauté. Son bien à lui, c'est une kafara. Tous les hudoud, celui qui reçoit une sentence ici-bas, c'est une kafara yawm al-qiyam. C'est pour le purifier de ce péché. Yawm al-qiyam, il n'aura pas de compte à rendre par rapport à ce péché. Donc c'est un bien pour lui et c'est un bien pour les autres. Si les voleurs ils se feraient couper la main partout, il n'y aurait pratiquement plus de vol. Mal'an, on vit à une époque. Dans certains endroits, certains ils volent l'imam Ali Anou. Il sait que ce qui va voler, ça a plus de valeur que la peine qu'il risque. Il va voler une chose qui a énormément de valeur. Comment il va prendre une semaine, un mois, deux mois de prison ou une amende? Et ce qu'il a volé, Obama, il l'a caché dans un endroit et il sait qu'il est gagnant. Ça nous montre que ce n'est pas l'adl. Ce n'est pas pour le bien du voleur et ce n'est pas pour le bien des autres. C'est pour ça que ceux qui ont subi un vol, quelque chose qui avait énormément de valeur, ils sont prêts à aller plus loin que couper la main du voleur. Pardon, ils espèrent la mort du voleur. Alors que c'est de l'injustice là. S'il a volé, il ne mérite pas la mort là, il mérite de se faire couper la main. Fahdhar, on vit à une époque al-kafara wa hakad al-munafiqoun rejettent. Et tu trouves al-mu'minin à cause de l'ignorance, la faiblesse de la foi, ils ont des doutes. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui, mais c'est un peu trop min hadha al-bab. C'est hukmullah, c'est la sentence d'Allah qui est citée dans le Coran. La lapidation, couper la main du voleur, tout ça, c'est la couper la main du voleur, c'est cité dans le Coran. Enfin, on doit faire attention. Et après, Karim, c'est ta foi que tu risques. Mais le kafir, il n'a pas de foi. Ouais, il va rejeter hadha al-hukm, il va se moquer, il va accuser de barbarie. Mais t'es un croyant, préserve ta foi. قال وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد. Celui qui connaît son dîn et qui reconnaît les mérites de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il va embellir la foi dans son cœur. وَيُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ كَمَمْ تَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى خِيَارِ خَلْقِهِ بِقَوْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فَيَكُونَ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ أَعْظَمَ الْمَحْبُوبَاتِ وَأَجْمَلَ الْأَشْيَاءِ. C'est pour ça qu'on doit faire هذا الدعاء. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala أن يزين الإيمان في قلوبنا. لماذا؟ لأن si Allah subhanahu wa ta'ala il embellit la foi dans ton cœur, la foi ça deviendra cette chose, la chose que tu aimes le plus. Et ton wala et wara, ton amour, ton alliance, ta haine, ton désaveu envers les autres, ça sera par rapport à هذا الإيمان. لماذا؟ لأن c'est la chose la plus importante que tu possèdes. قال فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه ويتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. Ça nous montre la relation entre al-batin et al-zahir. Et on l'a détaillé, walillahi alhamd, dans les durus précédents, les premiers chapitres. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli la foi dans ton cœur, كذلك ton apparence elle s'embellira. Elle s'embellira pas avec des vêtements, avec là. Ton apparence elle s'embellira avec al-amal. La soumission à Allah Azza wa Jal, l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wasalam, les bons comportements, etc. قال وفي الدعاء المأثور أي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحديث قال dans la note de bas de page أخرجه النسائي من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه وصححه ابن حبان وقال الحاكم هذا حديث صحيح وقال الشوكاني في نيل الأوطار رجال إسناده ثقات وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية. نعم فالحديث beaucoup de savants ils l'ont authentifié. اللهم زيننا بزينة الإيمان. أما l'apparence physique sans iman c'est d'aucune utilité. C'est pour ça que ce dua il nous montre l'importance de donner de l'importance à cet embellissement. Zina bil iman. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous embellisse avec l'iman. Et subhanallah, on a celui que Allah subhanahu wa ta'ala il embellit bil iman, voilà aussi physiquement Allah subhanahu wa ta'ala il ne lui a pas donné la beauté, ou il n'a pas les moyens de s'embellir avec des vêtements ou autres. Quand tu l'entends parler, quand tu le côtoies, tu ressens هذه الزينة, cet embellissement. وبالعكس الكافر المجرم ولو si physiquement il a شيء من الجمال et il fait des efforts pour s'embellir avec des vêtements, avec du parfum, avec homme, ils pensent qu'à leur physique, qu'à l'apparence. Quand tu sais que c'est un kafir, encore plus si tu le côtoies et tu l'entends parler, il a akhri, tu déjà que tu le détestes à la base parce que c'est un kafir, là que tu le détestes encore plus. Hatta tu as du mal à le regarder. Voilà, oui, il possède ce qu'il possède. قال اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كذلك on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des hudat, et des gens qui soient la cause pour la guider des autres. مهتدين, et nous-mêmes on soit guidés. قال رحمه الله ثامنا, huitième cause, ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه. Faire des efforts كذلك pour atteindre ce degré الإحسان كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه quand جبريل et il a posé plusieurs questions au professeur sallam, mal islam, mal iman, mal ihsan. Les ulama, ils appellent ces différents points les degrés de la religion. Al islam, ensuite al iman, et encore plus élevé, al ihsan. Enfin, faire des efforts pour atteindre le niveau de al ihsan. Et al ihsan, ça fait partie de la foi. Comme l'islam, ça fait partie de la foi. Lakin, al ihsan, c'est un niveau encore plus haut. Et tu peux, مثلاً, avoir un mu'min qui a l'iman, là, qui n'a pas atteint le niveau de l'ihsan. Enfin, on doit faire des efforts pour atteindre ce niveau, l'ihsan, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك l'ihsan avec les créatures. قال فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه. Et تلاحظون أنه il a cité l'ihsan envers Allah subhanahu wa ta'ala avant l'ihsan envers la créature. لأن البعض, à cause d'une mauvaise éducation, à cause d'une mauvaise compréhension de la religion, ou أنهم, ce n'est pas des croyants à la base, أنهم, ils appellent qu'à l'ihsan avec le khalq. Et tu le trouves هذا كثيرا عند أهل البدع والضلال. Vu qu'ils ne donnent pas d'importance à la voix des salafs, et ils ont compris la religion selon leur passion, et pour ne pas vexer les autres, pour ne pas s'opposer aux autres, et vu qu'on est tous d'accord sur les bons comportements, vous avez remarqué qu'ils appellent qu'au bon comportement. Il ne faut pas mentir, il faut être juste, il faut respecter son voisin. Tu trouves même le pire ennemi de l'islam, et il ne va pas être contre ces choses-là. Lakin, awwalan al-ihsan ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. قال فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, fait Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه. Comme c'est cité dans le hadith. ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si toi tu ne le vois pas, fait Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Donc tu dois essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu voyais Allah azza wa jal. قال فإن لم يقوى على هذا. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, c'est un niveau très élevé. استحضر أن الله يشاهده ويراه. Et ça c'est من أنفع الأسباب pour atteindre le niveau de l'ihsan et pour que notre foi elle augmente. استحضر, ne tombe pas dans le ghafla. Chaque chose que tu fais ou que tu veux faire, que ce soit une obéissance ou si ton shaitan ou ton nefs qui appelle au mal, elle te pousse à faire un péché. Estahdir an Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce que tu prépares. Hadhihi al-muraqaba, le fait de ressentir et d'avoir la certitude qu'Allah il nous voit, il nous entend. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à des anges de tout inscrire, etc. Hadhihi al-muraqaba, tu vas te sentir surveillé Et là, chacun, ça va te pousser à faire des efforts. C'est pour ça que l'insan, quand il a des faiblesses de foi, si quelqu'un le surveille parmi les êtres humains, ou s'il est dans un endroit où il y a du monde, il ne peut pas dire faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'un tel il voit, un tel il entend. Quand il est tout seul, il fait le péché. Ça, c'est un va'fi al-iman. Et hada al-insan, il n'a pas atteint le niveau de al-ihsan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-muhsin, il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il lui voyait Allah. Et vu qu'il ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. قال فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه. Deux choses, l'ijtihad, on doit faire des efforts, et l'itqan, ne pas bâcler. لأن أحيانا on fait العمل لكن il y a un manque d'ijtihad et c'est bâclé. C'est pour ça que il y a des interruptions, c'est fait trop vite. Maintenant, par exemple, ils font as-salat bidon itqan. Et bien, par exemple, ils ne remplissent pas certaines conditions. Et ça peut être la cause que la salat elle soit annulée. Tu les trouves, maintenant, ils font al-ruku', ils n'ont même pas encore, ils ne sont même pas arrivés à la posture du ruku', ils se relèvent déjà. Ou عند الرفع من الركوع, ils sont même pas arrivés debout, ils descendent déjà pour faire sujoud. Ça c'est un manque dans une condition essentielle de as-salat at-tuma'nina. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme qu'il a vu faire salat et qui se précipitait, il lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Il lui a dit retourne fais la salat, tu n'as pas fait la salat. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré l'itqan في هذه العبادة العظيمة عمود الدين. Il lui a dit quand tu te mets debout, quand tu fais le recours, quand tu reviens de recours, à chaque fois il lui disait fatma'in. Tma'in, tu dois rester un moment en posture de recours au sujoud ou quand tu te redresses. Ma hakada la précipitation, voilà, c'est un manque de ihsan. Et tu trouves بعض الناس في أمور الدنيا ils ont un ijtihad et un itqan ajib. Certains c'est dans la cuisine, مثلا des heures pour préparer une chose, mais un itqan dans les détails et la patience et pourquoi? Parce qu'il aime cette chose. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va profiter de cette chose. نعم في العاجل directement. فان دوبا نيجليجي هذا. قال ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى ايمانه ويقينه. ça ça nous montre que c'est un combat tous les jours. اجتهاد tous les jours حتى الله سبحانه وتعالى il va t'ouvrir les portes, il va te guider et ta foi elle va monter. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يقول لبلال رحنا بها يا بلال, et en parlant de la salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est Sayyidu al-Nas ajma'in. Le meilleur des êtres humains, celui qui se concentrait le plus, celui qui adorait le mieux Allah azza wa jal. As-salat pour lui c'était une raha. Il ressentait al-raha, le repos, la sérénité fait salat. Il disait à Bilal, rihna biha ya Bilal. Il fait l'aden comme ça on se repose. Quand tu es touché par la faiblesse de foi, ça peut devenir l'inverse. On se débarrasse de la salat, comme ça on se repose, na'oudou billah. C'est pour ça que cette salat elle est bâclée, etc. Hiyanan. قال ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو الإيمان الكامل. فيذوق حلاوة الطاعات. Il va ressentir une saveur. On vient de citer l'exemple avec salat. رحنا بها يا بلال. Et كذلك ثمرة المعاملات. Des fruits. في المعاملات. مثلا si on vivrait مثلا dans un endroit où tout le monde applique سنة النبي صلى الله عليه وسلم dans المعاملات. تأمل هذا. مثلا tu vas au marché, tu vas dans un magasin, tu sors dehors et tu as quelque chose à faire avec un autre, une mu'amala, un contrat, une vente, une transaction, tu trouverais une raha azima. Personnellement, pas de corruption, tout le monde à l'heure, etc. Tu ressentirais. Hadihi al-thamara fi al-mu'amala. Et hakada, si on ferait plus d'efforts encore dans l'ibada, dans l'ijtihad, dans l'itqan, apprendre notre dîn, on ressentirait hadihi al-halawa wa al-raha dans l'adoration. Fanas'alullah azza wa jalla al-hidayah. قال وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان والجزاء من جنس العمل. وهكذا الإحسان avec la créature, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit avec la parole, que ce soit avec avec un acte, que ce soit avec de l'argent ou autre, tout ça, ça fait partie de l'Iman. ومن دواعي الإيمان. Ça fait partie de la foi. L'iman d'Aliana, c'est une œuvre pieuse. Et Kadhalik, ça fait partie des causes qui font monter la foi. Tu le ressens, Hada, quand tu aides quelqu'un. Tu ressens dans ton cœur l'iman, qui est encore plus fort. Qala, wal jaza min jins al-amal. Fakama ahsana ila ibadillah, wa awsala ilayhim min birrihi, ma yaqdiru alayhi ahsana Allahu ilayhi anwa' min al-ihsan. Al-jaza min jins al-amal. Comme Anta, tu as fait cet effort pour aider, مثلاً, ton frère mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. Tu as caché les défauts de ton frère, Allah il cachera les tiens. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abd fi auni akhi. C'est ça le délire. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera tant que tu aides ton frère. Al-jaza min jins al-amal. Ça, c'est une règle importante dans notre dîn. Et si tu fais une chose aux autres, Allah il te la fera. Tu aides, Allah il t'aidera. T'amal al-qissa dans al-hadith al-sahih, la femme, la prostituée, qui a aidé un chien. Kalb. C'est pour ça que vous avez remarqué que Cheikh Saadi, il n'a pas dit al-insan, il n'a pas dit les croyants, il a dit al-khalq, al-ihsan, il a khalqé. C'est pour ça qu'on a dit créature. On n'a pas dit être humain, on n'a pas dit croyant. Là, ça peut être l'ihsan, il a un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide bisababé, qui est une énorme récompense. Ça peut être l'ihsan, il a l'haywan, min al-haywan, un animal. Cette prostituée qui a vu ce chien, tellement qu'il avait soif, kana ya'kul min al-turab, comme a dit le hadith. Ça arrive, les chiens, quand ils ont très, très, très soif, ils ne savent plus ce qu'ils font et tu les trouves, ils lèchent le sol tellement qu'ils n'arrivent plus à se contrôler. Quand elle l'a vu, fi hadha al-hal, et cette femme, elle avait un cœur. Et il y avait un puits pas loin. Elle est descendue dans le puits et elle a rempli son khouf, sa chaussure, elle l'a rempli d'eau et elle a donné à boire à ce chien. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'Allah lui a tout pardonné. Il lui a pardonné à cette femme. Malgré que c'était une prostituée, elle faisait hadha dhanb al-azim. Cet énorme péché, la prostitution, yadam billah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il lui a pardonné bi sabab al-ihsan ila al-hayawan. Ila hadha al-kalb. Wa fil muqabil, cette femme qui a fait du mal à un chat, comme a akhbar al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mra'a, elle a enfermé un chat dans une pièce, dans un endroit. Pourquoi? Il y en a ce chat, il voulait manger. Elle l'a enfermé. Au lieu de, comme a dit le hadith, elle ne l'a pas laissé manger, min khashash al-ard. Elle l'aurait laissé, ne l'enferme pas. Ce chat, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a décrété son risque. Pas besoin de l'enfermer, on doit faire les causes. Et elle l'a enfermé, elle ne l'a pas aidé, elle l'a empêché d'aller chercher sa subsistance lui-même. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في النار بهرة. À cause d'un chat. Elle rentrera en enfer. On dirait, لماذا? Elle n'a pas eu هذا الإحسان. Elle lui a fait du mal, elle a été la cause de qu'elle-même elle rentrera في النار, عياذا بالله. فهذا الباب سمى باب عظيم. قال فكما أن الإحسان إلى عباد الله أوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان. On a cité deux exemples avec les animaux. فما بالك celui qui aide son frère al-mu'min. Le fait d'aider un chien, vous avez entendu la récompense. Fama balouk celui qui aide un mu'min. Encore plus, ma balouk celui qui aide ses parents. Ses parents qui ont cette manzila azima. Que ce soit des croyants ou autres. Ça reste tes parents. Si tu les aides, c'est une énorme cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes et il te pardonne. Kadhalik, cette femme lui a donné de l'eau. Ma balouk celui qui aide les autres en propageant l'ilm. Tu conseilles ton frère, tu lui montres, tu fais des efforts pour propager une science bénéfique. Nas'alullah azza wa jalla al-thabat wa al-tawfiq. Qala wa min afdaliha an yuqawi imanahu wa raghbatahu fi fi'l al-khayr wa al-taqarrub ila rabbih wa ikhlas al-'amal lahu. Na'am. Ahsana Allahu ilayhi anwa'an min al-ihsan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es bon envers les autres, Allah il te facilitera. Et parmi les choses qu'il te donnera, ta foi l'augmentera. Ça, c'est important. Tu ressens l'envie de faire du bien. D'où elle vient cette envie? C'est minallah. Les cœurs durs, ils ne ressentent plus cette envie de faire le khayr. Il ne peut pas. Il peut rester dans un endroit, regarder du haram pendant 2, 3, 5 heures et il n'a plus la force de lire, on ne dit même pas une page du Coran, un verset. Ça vient d'où, hada? Ça vient de al-ma'asi, des péchés. Enfin, celui qui fait le khayr, qui fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lui facilitera cette envie de faire du bien. Wa taqarrub ila rabbi, avec des adorations. Wa ikhlas al-amalillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera ce abd al-ikhlas, la sincérité. Qala wa bidhalika yatahakkaku al-abd bin nusr. لله ولعباده فإن الدين النصيحة ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. نعم. ça fait partie de النصيحة. النصيحة لله. أي أدعو الله سبحانه وتعالى seul. c'est ça النصيحة لله. أما الله سبحانه وتعالى ne pas comprendre une النصيحة tu vas le conseiller. لا النصح لله c'est تطبيق دينه لوبيسانس و النصح لعباد الله إلى معروف قال فإن الدين النصيحة شكا الله البروفيسور صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم on a expliqué ce hadith كثيرا قال والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه فton frère il a un haq azim sur toi et أنت الإيمان qui est cité هنا لا يؤمن هنا c'est كمال الإيمان فsi tu veux que ta foi elle augmente et parmi les signes qui prouvent que l'insan il a un iman qawi c'est que il l'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Enfin, qu'est-ce que tu aimes pour toi, Anta? Tu aimes le bien, tu aimes le bonheur, tu aimes la tranquillité, tu aimes beaucoup de choses. Enfin, tu dois aimer pour ton frère. هذه الأشياء. أما الحسد, la jalousie, والحقد, la rancœur et espérer que ton frère il ne réussisse pas. هذا c'est une cause. Ceux qui pensent هكذا, c'est qu'ils ont un problème dans le cœur. Ils ont un problème fi al-iman fadlan an al-ihsan. Wallah musta'an. Et les prochains cours on commencera la 9e cause inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin, on passe à la 3e partie.